ombre ou ma lumière. Mon cœur, ma raison d'être, ce cochon et le réverbère. Et ma poésie, tu n'as jamais aimé. Pourtant notre première nuit, sur la plage, je te chantais. Une chanson d'amour ne seront jamais mon fort. Même les roses sont tristes comme des corps. La route sera longue pour arriver au moment où c'est la vie qui m'attendra au touchant. J'ai attendre dulcinée, celle que l'aise est toute mon destinée. À partager une vie de rêve.